Je restais là, assis en face du cadavre de Ratis. La lumière de son œil s'estompait. La lance dans son cœur semblait s'ériger tel un étendard. Elle lui avait ôté la vie si rapidement. Juste un bout de bois, pas un bout de métal. Un bout de bois, juste du bois. Les jambes rabattues, les bras les entourant, le visage plaqué contre mes genoux, je regardais Ratis. Je l'avais vu mourir, lentement. Je n'étais pas devenu comme lui, j'avais été rapide pourtant. Mais sa respiration s'était éteinte si lentement. Squeak. Mila s'agenouillait près de moi. Il est mort. J'ai jeté un œil vers Ratis. Nous avons gagné, Squeak. Nous allons pouvoir rentrer chez nous. Pause. Je suis là, vieux. Je suis là. On est tous là. Bertolt. On sait, Squeak. Booz s'est agenouillé de l'autre côté. Tous deux posaient une main sur mon épaule. C'est fini alors? C'est fini? Oui. Ça y est, on a réussi. Je me souviens plus quand ça a commencé, Booz. Je me souviens plus de ce qui s'est passé. C'est comme si j'avais eu 1000 vies. Allez, lève-toi, Squeak. Il faut partir. Non, attendez, on peut pas. Mais quoi? Je me suis levé, le doigt pointé vers Ratis. On peut pas le laisser comme ça. Squeak, c'est Ratis, notre ennemi. Il faut l'enterrer. Il voulait... Il aurait voulu ça. Squeak, ce rat aurait croqué tout cru de son vivant. Mais il est mort. Et on n'est pas comme lui. Ce sera sa dernière défaite. Et ça honorerait le peu de bonté qu'il avait, pensais-je à cet instant. De nombreuses fois, il aurait pu me tuer. Il avait toujours hésité. Pour quelle raison? Du respect? Voulait-il être comme moi? Un être libre et intelligent. Pour toutes ces fois où ses griffes avaient pu s'abattre sur moi, pour toutes ces fois où il avait montré de la clémence, je lui devais bien ça. Si personne ne m'aide, je l'enterrerai seul. Squeak, c'est pas... Booz, je l'enterre. Cet arbre sera l'arbre de Ratis, et quiconque viendra ici se souviendra de ce qu'il l'a fait. Je l'enterre. Au pied de l'arbre du conseil. Les soldats Baefwish se reposaient, découvrant la nourriture du nouveau monde, discutant avec les autres animaux d'Eol, découvrant leur passé aussi. Mila restait seule dans notre cabane. Elle en avait besoin. Friedrich lui avait annoncé la mort de son père. Elle avait besoin d'être seule. Booz, Friedrich et Bender discutaient non loin de là. Quelque part, on soignait les blessés. Un peu plus loin, c'était les morts qu'on regroupait. Ils allaient les enterrer et poser une pierre dessus. Une pierre sur laquelle ils avaient demandé au Baefwish de graver un seul mot. Éol. Car tous s'étaient battus pour ça, pour Éol, et ce qu'elle représentait. Un début de société. Un trésor à protéger. Pour qu'ils grandissent. Je marchais aux côtés de César, remettant la feuille qui me servait de bandage sur mon épaule. Votre épaule va mieux? Elle me fait moins mal. Vous allez rentrer chez vous maintenant. Vous avez peur que nous restions, César? Ce n'était pas une question. Nous sommes différents. Trop pour que nous puissions vivre ensemble. Nous allons rentrer chez nous. Ça nous tuerait si vous nous imposiez votre mode de vie. Et que vous le vouliez ou non, vous le ferez si vous restez. Je sais. Ratis était comme ça. Comme quoi? Il n'était pas prêt pour posséder ce que nous avons mis des milliers d'années à acquérir. Il le voulait, mais il n'était pas prêt. Cela ne nous empêchera pas de garder contact. Nous apprendrons beaucoup. Nous avons beaucoup à apprendre de vous aussi, César. C'est un tout nouveau monde pour nous, le vent, le soleil, les étoiles, les arbres. Il n'y a rien de tout ça sous terre. Alors nous tombons tous les deux d'accord. César, et Éol et Wichiti ne sont pas si différentes. Vous verrez, ce que vous avez souhaité créer ici, ce n'est ni plus ni moins qu'une ville. Vous créez votre propre société, tout comme les fameux hommes. Il nous faut du temps pour évoluer. Et si les hommes s'en rendaient compte avant que nous puissions nous défendre, ce serait... Je comprends ce que vous voulez dire. Nous nous sommes arrêtés au pied de l'arbre du conseil. Je vous dois des excuses, Quick, tout comme à votre ami Mila et à votre ami Booz. Je les accepte, César. Sans vous, nous n'aurions pu nous défendre. Je les accepte. Mais ce pouvoir que vous nous avez donné doit rester entre vos mains. Il ne peut être utilisé par des êtres qui ne savent pas s'en servir. Je sais. C'est ici que nous nous disons adieu, Squeak. C'est ici sur le tronc de l'arbre du conseil. César, ce n'est qu'un au revoir. Nous reverrons un jour ou l'autre. Un jour, vous serez prêts. Je l'espère bien, Bifwish. Je l'espère bien. Il était temps pour nous de revenir chez nous, à Wish City. Bifwish.